Si le silence est d'or, j'ai trouvé l'ami en faisant bonne mine. Suffit d'aller dehors, j'ai gagné quelques pièces dans un repas noblesse, en épargnant ces hôtes de discours équivoques. Gagner à la semaine des billets, quelques pièces pour n'avoir dit de mots, loin de mes idéaux. Si le silence est d'or, j'ai trouvé l'ami en faisant bonne mine. Suffit d'aller dehors, gagner 3 francs 6 sous pour une bouche cousue. Quand la dame au chapeau passe devant mon chariot, ces petites économies me rendent la vie acide. J'ai la tirelire qui explose, je m'en vais régler quelques petites choses. Si le silence est d'or, j'ai trouvé la ruine en faisant grise mine. Suffit d'aller dehors, j'ai perdu quelques pièces dans un repas noblesse, en criant assez haute des discours sans équivoque. Perdu à la semaine des billets, quelques pièces pour avoir dit bien haut tous mes idéaux. Si le silence est d'or, j'ai trouvé la ruine en faisant grise mine. Suffit d'aller dehors, perdu 3 francs 6 sous pour ces quelques medoux. Quand la dame au chapeau passe devant mon chariot, ces petites dépenses me rend la vie très très dense. Ma tirelire est cassée, j'ai le cœur plus léger. Ma tirelire est cassée, j'ai le cœur plus léger. Si le silence est d'or, j'ai trouvé la ruine en faisant grise mine. Suffit d'aller dehors, dehors, dehors, dehors, dehors. Si le silence est d'or, j'ai trouvé la mine en faisant bonne mine. Suffit d'aller dehors, mais si le silence est d'or, moi j'ai trouvé la ruine en faisant grise mine. Suffit d'aller dehors. Et silence, silence, silence, et dans, et dans.